Chapitre 5e, Paris Underground. Depuis leur rencontre au bal des débutantes, la baronne Camille, le rondeau de la Modiquaire et le comte Victor Poisil d'Avron ne s'étaient plus quittés. Les nuits de juin les avaient enveloppés dans une atmosphère romantique où chaque moment semblait chargé de promesses. Le jour, ils savouraient les terrasses ensoleillées de cafés parisiens, échangeant des idées, des rires complices. La nuit, ils déambulaient sur les quais de Seine, leurs pas résonnant dans le silence étoilé, interrompus seulement par leurs éclats de rire. Une de leurs soirées les plus mémorables les emmena sur un bateau mouche glissant doucement sur la Seine. Assis côte à côte à la proue, enveloppés dans une lumière dorée, ils regardaient Paris défiler, ses ponts illuminés et ses monuments majestueux se reflétant dans l'eau. Les mots étaient inutiles, le regard complice, échangé dans le murmure de la rivière, disait tout. Camille, la tête appuyée contre l'épaule de Victor, désignait parfois un détail qu'elle adorait, un peintre au bord de l'eau, les fenêtres éclairées d'un immeuble ancien, comme autant de scènes à tableau vivant. Chaque fragment de la ville semblait être un trésor caché qu'elle offrait à Victor, le révélant sous un jour nouveau. Paris n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle se regarde dans son miroir, murmura Camille, le regard fixé sur les reflets dans l'eau. Victor, absorbé par ses paroles, sentit la ville se déployer sous ses yeux comme un rêve éveillé. Chaque pont, chaque monument se reflétait sur le sombre de la Seine, semblant raconter une histoire parallèle, un écho discret de leur propre rencontre. Ému, il déposa un baiser léger sur les cheveux de Camille, sa main effleurant la rambarde froide du bateau. Les vagues, douces et régulières, accompagnaient ce moment suspendu en portant avec elles des promesses qu'aucun mot ne viendrait troubler. Plus tard, alors que la lumière orangée des réverbères baignait le pont des Arts, ils poursuivirent leur promenade. Paris semblait s'être enveloppé d'une quiétude presque irréelle, où seuls leurs pas résonnaient sur les planches. Camille, un sourire doux mais empreint de mystère aux lèvres, s'arrêta soudain. Elle plongea la main dans son sac et tendit un objet brillant à Victor. « Un cadenas » s'étonna-t-il, observant l'objet avec une curiosité mêlée d'amusement. Camille prit doucement sa main, son regard malicieux s'adoucissant. Elle l'entraîna vers une rambarde où des milliers de cadenas scintillaient sous la lumière tremblante des réverbères. Ils semblaient suspendus dans le temps, comme autant de fragments d'histoire et de déclarations d'amour laissées par des inconnus. « Pas n'importe lequel !» murmura-t-elle en sortant un petit couteau pour graver leurs initiales sur le métal. Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux. Puis levant les yeux vers Victor, il ajouta d'un ton bas, mais vibrant d'émotion. « C'est une promesse, Victor, pas une promesse d'éternité. Il y a bien longtemps que j'ai cessé de croire aux contes de fées, mais une promesse d'être ici, ensemble, pleinement, dans cet instant qui nous appartient. » Son regard, illuminé par la lumière vacillante, plongea dans celui de Victor. Il resta figé, fasciné par la sincérité brute de ses mots, par la manière dont elle transformait un simple geste en une vérité universelle. Lorsqu'elle accrocha le cadenas parmi tant d'autres, il sentit un frisson le traverser, comme si le temps lui-même avait marqué une pause pour eux. En silence, ils contemplèrent leur cadenas, désormais suspendu au milieu de cette mer de métal, symbole discret mais puissant de leur histoire naissante. Puis, dans un élan spontané, Camille attrapa Victor par le col et l'attira à elle pour un baiser passionné. Leurs rires finirent par résonner dans la nuit, légers et insouciants, effleurant l'eau calme de la Seine. Camille, les joues rosies par l'émotion et la fraîcheur nocturne, murmura à son oreille. Paris a bien des secrets, mais ce soir, je crois qu'il est à nous. Mais derrière cette Camille romantique se cachait une femme plus libre et audacieuse que Victor découvrait jour après jour. Peu à peu, elle lui dévoila un Paris qu'il n'aurait jamais soupçonné, un monde brut, bohème, grouillant d'art et de vie. C'est ainsi qu'une autre nuit, elle l'entraîna à la Halle Papin, une ancienne usine à Pantin transformée en lieu artistique. Sous la verrière massive, une lumière tamisée jouait sur des fresques murales, évoquant l'univers d'une Havane rêvée ou les quartiers colorés de Little Havana à Miami. Les murs étaient éclatants de couleurs, des palmiers stylisés, des figures dansantes aux teintes vives, des scènes festives qui semblaient bouger sous les projecteurs changeants. Dans un coin, un petit groupe s'était formé autour de Totov, un guitariste à l'allure nonchalante. Ses doigts glissaient sur les cordes avec une aisance déconcertante, tandis qu'à ses côtés, une chanteuse accompagnait sa mélodie. Priska, grande femme métisse, captivait autant par sa voix que par sa présence. Son timbre rauque, teinté d'une douceur magnétique, envoûtait l'assemblée. Elle portait une robe en lin ivoire qui flottait autour d'elle comme une aura, et ses cheveux sauvages encadraient son visage où luisait un sourire énigmatique. Camille, apercevant Totov, lâcha la main de Victor et s'avança d'un pas léger, son visage s'illuminant d'une joie sincère. « Totov !» lança-t-elle, avant de l'enlacer avec affection. Totov se redressa, un sourire éclatant dévoilant des dents d'une blancheur surprenante. « Ma Camille, toujours si rayonnante » dit-il en lui rendant son étreinte. Se tournant vers Victor, Camille désigna Totov avec un sourire espiègle. « Victor, je te présente Totov, mon complice de toujours. On a fait les 400 coups dans l'orne quand on était môme. » Totov, avec une désinvolture amusée, tendit une main à Victor. « Bienvenue dans la vraie jungle, l'ami » lança-t-il avec un clin d'œil. Victor serra la main de Totov, un sourire intrigué se dessinant sur ses lèvres. Priska, silencieuse jusque-là, s'avança d'un pas et tendit la main à son tour. « Priska » dit-elle simplement, sa voix basse semblant résonner malgré le tumulte ambiant. Victor hocha la tête, impressionné par cette femme dont l'élégance naturelle contrastait avec l'anarchie ambiante. Camille, ravie de la rencontre, ajoute avec fierté « Ici, chaque ami s'exprime à sa façon. C'est ça l'esprit du pari que je voulais te montrer. » Au fil de la soirée, Victor se sentit absorbé par cet univers vibrant. Il observait Camille se mêler à l'assemblée, éclatante dans sa robe fleurie et ses Doc Martens, passant d'une conversation animée à des éclats de rire insouciants. Priska entama un chant cubain, sa voix montant avec une intensité poignante, tandis que Totov improvisait une mélodie envoûtante. À ce moment précis, Victor comprit à quel point Camille était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Elle appartenait à ce chaos artistique, à ce monde de liberté et de création brute, et l'emmenait avec elle comme un guide dans un territoire inconnu. « Bienvenue dans mon univers !» murmura Camille en se tournant vers lui, son regard brillant d'une lumière intérieure. « Ici, personne ne se soucie de savoir si tu es roi ou mendiant. Ce qui compte, c'est ce que tu crées, ce que tu ressens. » Victor, troublé et exalté, sentit qu'il découvrait à ses côtés une part de lui-même qu'il ignorait. Ce monde, avec ses frasques éclatantes, ses voix passionnées et ses rêves nés dans la poussière, était en train de devenir le sien. Quelques jours plus tard, Camille emmena à l'aérosol une immense friche industrielle dédiée au street art. Les murs de cet ancien entrepôt étaient devenus des toiles gigantesques, n'étaient pas moins saisissantes. Partout, la créativité débordait, transformant chaque recoin en une explosion visuelle où se mêlaient éclats de couleurs, motifs complexes et messages engagés. Camille déambulait dans cet univers avec une aisance naturelle, son regard s'arrêtant parfois sur une œuvre, son sourire illuminant son visage. Elle était dans son élément et Victor, encore novice dans ce monde, l'observait avec admiration. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » demanda-t-elle, s'approchant de lui avec une étincelle dans les yeux. Victor s'arrêta devant une fresque qui attira immédiatement son attention. Elle représentait une petite fille agenouillée, plongée dans un immense livre ouvert. Mais ce n'était pas un livre ordinaire. Ses pages s'ouvraient comme les touches d'un piano, et des notes de musique s'envolaient dans l'air, se mêlant à des éclats de lumière et à des papillons multicolores. Chaque détail semblait respirer, vibrer d'une énergie unique. La fillette, peinte avec un réalisme saisissant, semblait émerger du mur lui-même, son regard empreint d'émerveillement. Les papillons, eux, s'élançaient au-delà des limites de la fresque, comme s'ils tentaient de s'échapper dans le monde réel. L'œuvre, à la fois douce et puissante, évoquait une fusion entre l'imaginaire et la réalité, entre l'art et la musique, entre le rêve et la vie. Victor resta immobile, captivé. « On dirait que la peinture respire, » murmura-t-il, presque pour lui-même, comme si elle allait s'envoler hors du mur. Camille, qui l'observait, sourit doucement. « Tu comprends mieux pourquoi je viens ici. Ce lieu est vivant. » et il bat comme un cœur géant. Victor se tourna vers elle, encore sous l'effet de l'œuvre. « Je pense que je ne t'ai jamais autant aimé, » dit-il d'une voix sincère, incapable de détourner les yeux de son visage radieux. Camille rougit légèrement, mais son sourire s'élargit empreint de tendresse. Prenant sa main, elle l'entraîna à travers les allées colorées jusqu'à une partie du hall, transformée en piste de roller disco. Les skateurs et les danseurs y évoluaient au rythme d'une musique électrisante, un mélange de sons électroniques et de percussions envoûtantes. Victor, un peu hésitant au départ, se laissa vite gagner par l'énergie ambiante. Camille, toujours en tête, l'attira sur la piste. Ils dansèrent, rirent, oubliant tout du monde extérieur. Leur corps se mouvait en harmonie, comme porté par une liberté nouvelle, sous les éclats de lumière et les fresques monumentales qui semblaient les envelopper. Ce moment, tout comme la fresque, était une symphonie d'émotions. Un tourbillon où art, musique et amour se mêlaient, gravant un souvenir indélébile dans le cœur de Victor. Puis, en ce début d'été, leurs escapades les conduisirent à la gare des Mines, une ancienne gare à charbon, réhabilitée en club alternatif par le collectif ME. L'endroit, niché dans un quartier en pleine mutation, n'avait rien perdu de son charme brut. Sous les arches métalliques et les poutres usées par le temps, une nouvelle vie battait son plein. Plus qu'un simple lieu de fête, la gare des Mines était un laboratoire culturel. Les murs, tapissés de fresques audacieuses, vibraient sous les jeux de lumière. Le sol résonnait des pas d'artistes, de danseurs et de curieux venus explorer cet univers hétéroclite. Le jour, des ateliers se succédaient. Initiation à la sérigraphie, cours de danse contemporaine, performances impromptues. La nuit, l'espace se transformait. Des projecteurs illuminaient les façades, des beats électroniques envahissaient l'air, et des stands proposaient des cocktails décalés, comme le fameux rosé pamplemousse que Camille adorait. Victor, d'abord décontenancé par l'anarchie apparente de l'endroit, sentit peu à peu son esprit s'ouvrir. Camille, quant à elle, semblait en terrain conquis, glissant entre les groupes avec une aisance naturelle. Elle saluait les habitués d'un sourire complice, s'arrêtait parfois pour échanger quelques mots avec un artiste ou pour commenter une fresque avec une passion contagieuse. Alors qu'ils traversaient une salle où les faisceaux lumineux dansaient sur les visages, un son les attira. Un groupe improvisait sur une petite scène. Le mélange de jazz expérimental, d'électro et de percussions africaines était hypnotique. La musique semblait jaillir des murs eux-mêmes, imprégnant chaque recoin de l'espace. Camille attrapa deux gobelets de rosé pamplemousse à un stand voisin et tendit l'un d'eux à Victor avec un sourire espiègle. « À la famille qu'on choisit » murmura-t-elle en levant son verre. Victor leva le sien. Il comprenait peu à peu ce que cet endroit représentait pour elle. Ce n'était pas qu'un lieu de fête ou d'art. C'était un refuge, un cercle intime de personnes qui partageaient la même énergie créative, le même besoin de n'avoir besoin de rien. Puis, soudainement, Camille entraîna Victor à travers la salle, semblant suivre un chemin gravé dans sa mémoire. Elle s'arrêta devant une sculpture imposante, nichée dans un recoin baigné par la lumière tamisée de projecteurs. L'œuvre, aussi intrigante qu'audacieuse, dominait l'espace par sa présence. Des lignes courbes en métal semblaient s'enlacer et jaillir du sol, formant une silhouette féminine stylisée. À la fois majestueuse et vulnérable, elle semblait danser, portée par un souffle invisible. Au cœur de cette figure, des éclats de verre coloré composaient un ventre lumineux, évoquant une source de vie ou un cosmos intérieur. Sur le socle, gravé en lettres fines, un titre sobre, Pandora. « Elle est magnifique !» murmura Victor, captivé. Camille, son regard brillant de fierté, s'approcha doucement de l'œuvre. « Inès Otero et moi, vous voulez réinventer Pandora. » Pas celle qui ouvre la boîte par curiosité et libère tous les mots. La nôtre est différente. Elle accepte ce qu'elle a libéré et transforme le chaos en force créatrice. Elle est la gardienne de l'espoir parce que, quoi qu'il arrive, il reste toujours une étincelle. Elle posa une main légère sur le socle, comme si elle saluait une vieille amie. Inès a forgé la structure métallique avec ses torsions et ses courbes audacieuses. Moi, j'ai travaillé sur le verre, sur les éclats qui capte la lumière et la renvoie différemment selon l'angle. Victor s'avança à son tour, étudiant chaque détail. C'est une œuvre vibrante. On dirait qu'elle irradie. Elle n'a rien de statique. Elle vit, elle évolue, c'est puissant. Un sourire se dessina sur les lèvres de Camille. Elle aimait sa façon de voir les choses, toujours analytique, mais empreinte d'un émerveillement sincère. Elle vit parce qu'elle est née d'un dialogue. Inès et moi avions des visions différentes, mais on a fusionné nos idées pour créer quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, l'essence de ce lieu. Victor se tourna vers elle, l'émotion adoucie dans son regard. Toi et elle, vous avez donné une nouvelle voix à un mythe. C'est beau, Camille. Et c'est toi, tout entière. Réinventer les choses, leur donner une profondeur à laquelle on ne s'attend pas. Camille lui adressa un sourire malicieux. « Arrête, tu vas me faire rougir. »« Viens, il faut que je te présente d'autres morceaux de ma tribu. » Ils quittèrent l'œuvre et se fondirent dans la foule vibrante. Camille désignait tour à tour les artistes, les musiciens, les danseurs, et parfois même les anonymes dont les visages s'éclairaient d'un sourire complice à son passage. « Là-bas, c'est Marco. » Il a organisé mon tout premier vernissage, un vrai baptême du feu. Et Inès, évidemment, tu l'as vu à l'œuvre avec Pandora. Ces gens sont ma famille. Pas celle qui m'a vu naître, mais celle que j'ai choisie. Chaque personne ici a laissé une empreinte en moi. Victor l'écoutait avec fascination. Elle ne se contentait pas de parler de ces gens, elle les vivait. Chaque mot, chaque anecdote révélait à quel point ces âmes faisaient partie de la sienne. Et moi ? Demanda-t-il avec un sourire en coin. « Où est ma place dans tout ça ?» Camille se tourna vers lui, son regard soudain plus profond. « Tu es là où tu n'étais pas censé être, » murmura-t-elle, « et pourtant tu y es parfaitement à ta place. » Ils rejoignirent la piste de danse, où les rythmes électroniques et les percussions africaines faisaient vibrer les murs. Camille riait, se déhanchant avec une grâce qui semblait désarmer le chaos autour d'elle. Victor, les yeux rivés sur elle, se laissait entraîner comme aspiré par l'énergie qu'elle dégageait. Plus tard, alors que la nuit avançait, Camille l'entraîna dans une ancienne salle de contrôle transformée en salon intimiste. Les murs, couverts d'affiches déchirées et de graffitis, vibraient sous les reflets d'un néon rouge tamisé. Ils s'assirent sur un vieux canapé en cuir fatigué, leur gobelet de rosé pamplemousse toujours à la main. Camille posa sa tête sur l'épaule de Victor, ses traits détendus par la fatigue heureuse de la danse. « Ici, je me sens entière. Il n'y a pas de façade, pas de rôle. C'est juste moi. » Victor glissa une main dans ses cheveux, savourant ce moment. « Et moi, je découvre une Camille que je n'aurais jamais imaginée. Mais je crois que c'est celle que j'aime le plus. » Sous les étoiles d'un Paris que peu connaissaient, ils partageaient ce moment hors du temps. Leurs regards et leurs sourires illuminaient cet espace oublié, comme un sillage de lumière et de passion dans une ville qui ne dormait jamais. Début juillet, Camille mena Victor jusqu'à une petite cabine de chantier posée de manière incongrue sur une plaque d'égout. « Suis-moi, » murmura-t-elle avec un sourire espiègle, avant de pousser la porte grinçante de l'édifice en tôle. À l'intérieur, une trappe métallique s'ouvrait sur une échelle de fer qui s'enfonçait dans les entrailles de Paris. « Après vous, monsieur le comte, » dit-elle en feignant une révérence. Descendant l'échelle, Victor sentit l'humidité et la poussière s'alourdir autour de lui. Ils atterrirent bientôt dans un couloir d'un noir d'encre, faiblement éclairé par des néons rouges et verts qui semblaient vibrer d'une vie propre. La porte Molitor s'étendait devant eux comme un vestige du passé, une station de métro fantôme, jamais exploitée, aux allures de temples souterrains. « Bienvenue aux deux fées !» annonça Camille en écartant les bras, presque solennel, avant de se glisser dans la foule en mouvement. Elle expliqua d'un ton doctoral que ce nom faisait référence aux deux substances reines du Paris du XIXe siècle, l'opium et l'absinthe. L'opium, surnommé la fée brune, attirait alors dans la capitale les amateurs d'évasion dans les salons enfumés de Montmartre, tels que des écrivains ou des peintres célèbres, tandis que l'absinthe, la fée verte, réputée pour sa capacité à libérer l'esprit, avait laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire artistique parisien. En ce lieu, les effluves de tabac et de cannabis se mêlaient à une odeur anisée, presque douce, qui rappelait la fameuse liqueur. Des canapés limés parsemaient la salle, et un murmure constant remplissait l'air, ponctué par la musique qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Victor, fasciné, suivit Camille à travers la cohue, découvrant les murs couverts de graffitis sauvages, des œuvres fulgurantes qui s'étendaient jusqu'au plafond, comme un hommage vibrant aux artistes qui avaient pris possession des lieux. Finalement, ils atteignirent une alcôve où trônait un canapé usé. Là, accoudé nonchalamment, se trouvait Yacine. « Ah, Camille » lança-t-il en la voyant. Ses yeux noirs perçants s'attardèrent un instant sur Victor, puis esquissa un sourire moqueur. « Ah, le voilà donc, ton fameux prince !» Victor serra la main de Yacine, surpris par la fermeté de sa poigne et sa dégaine de petit caïd. Graffeur de talent et étudiant aux beaux-arts, Yacine jouissait aussi d'une réputation de petit dealer capable de vous procurer tout un tas de substances illicites pour peu que vous en ayez les moyens. Son allure décontractée, bonnet de laine, souhaite ample, jean taché de peinture, contrastait avec l'intensité de son regard, vif et sûr de lui. « Prince, prince !» répondit Victor avec un sourire. « Pas vraiment, non. Je ne suis tout au plus qu'un petit comte, en réalité. » Yacine arqua un sourcil, un sourire en coin. « Attends, c'est quoi ton blase complet déjà, Victor d'Avron ?» Yacine éclata de rire. « Non mais sérieux, t'es d'Avron, genre le plateau, le château et tout. Frère, tu viens du 9-3 alors ?» Victor fronça les sourcils amusés. « Ça t'étonne tant que ça ? Grave, moi je viens du Rincy. Si on avait grandi à la même époque, on aurait fini par se croiser dans une baston de quartier. » Victor arqua un sourcil diabolique. « Ah oui ? Une guerre de territoire entre la bande des Rebeux de Rincy et celle des Rupins d'Avron ?» Le Rincéen éclata de rire. « Carrément, imagine ça. Les Rupins débarquant en mocassin à gland et en blazer contre les gars du Rincy en survêt taquini et en Nike requin. Ça aurait été mémorable. » Camille Hillard posa une main sur le bras de Victor. « Alors ça, j'aurais donné tout l'or du monde pour voir ça. » Victor esquissa un sourire, entrant dans le délire. « Honnêtement, je doute que tes gars auraient gagné la loyale. Mais nous, on aurait eu l'avantage du panache. Dans mon gang, on manie l'épée dès le berceau. Moi, par exemple, je suis un excellent escrimeur, fleuré en main. Je vous aurais combattu à coups d'élégants moulinets. » Yacine hocha la tête, les yeux pétillants d'amusement. « Escrimeur ou pas, mec, notre guerre, je l'imagine bien pour le contrôle du trafic de fraises Tagada. Mais bon, si vous aviez une meilleure qualité que celle de chez Lidl ou des promos, on aura peut-être fait une trêve. » Victor éclata de rire détendu. « Je vois le tableau. Mes gars, en train de les refourguer sous un chêne, pendant que toi et tes potes contrôliez les stocks à l'entrée du square Charles Martel. Une paix sucrée, quoi. » Yacine éclata de rire à son tour. « T'as tout compris. Allez à vous. Avec un peu plus de temps, on aurait bossé ensemble, genre un cartel local des bonbons. » Camille, les yeux brillants, secoua la tête. « Vous deux, vous venez littéralement de réécrire l'histoire du 9-3. Une guerre des fraises Tagada. Sérieusement, vous êtes incorrigible. » Un sourire naquit sur les lèvres de Victor, étrangement amusé par ce mélange d'absurde et de camaraderie spontanée. Cette complicité nouvelle le rendait curieusement proche de cet univers marginal et inédit, pourtant ancré dans un territoire qu'il n'avait jamais vraiment regardé d'aussi près. Le banlieusard haussa les épaules avec une désinvolture feinte. « T'inquiète, ici on a tous laissé nos titres à l'entrée. Mais vas-y, assieds-toi, fais comme chez toi. » Il se tourna ensuite vers Camille avec un air complice. « Et toi, baronne, ça gère ?» Camille s'affala gracieusement sous le canapé à côté de Victor. « Oui, Yacine, t'inquiète. On est en total kiff, lui et moi. Hey »« Hé, Victor, tu savais que Yacine est l'un des meilleurs graffeurs des beaux-arts. L'art et le business, un combo qui marche toujours bien. » ajouta le graffeur en sortant joint d'une petite boîte métallique avant de l'allumer. Il tendit le pétard à Camille, puis avec un sourire en coin, lança Victor. « Et si tu veux quelque chose pour égayer ta soirée, tu sais où me trouver. » Victor, un peu déconcerté, observa la scène, une lueur d'incertitude dans le regard. Ce lieu souterrain, avec tous ces gens en quête de sensations fortes au milieu d'artistes marginaux, formait un monde qu'il n'avait jamais exploré. Yacine, le dévisageant toujours avec amusement, sembla deviner ses pensées. « Wesh, c'est pas ton univers habituel, hein ? » demanda-t-il en exhalant une fine volute de fumée. « C'est normal, ici on n'est plus tout à fait à Paris. T'es venu pour connaître le grand frisson, alors profite. » Camille gloussa, posant une main sous l'épaule de Victor. Tu vois, c'est ça l'esprit des deux fées. Il n'y a pas de jeu de rôle, juste des gens qui ont de liberté, de créativité, de folie. Victor, bien que légèrement sur la réserve, ne put s'empêcher de ressentir une étrange forme de fascination pour cet univers parallèle. Tout semblait vibrer d'une énergie brute, indomptée, comme un tableau où chaque élément contribuait à un chaos sublime. Il se demandait si cet abandon à l'inconnu était une fuite ou une découverte de lui-même. Yacine, un sourire malin aux lèvres, laissa planer un silence comme s'il cherchait les mots pour sonder ce nouveau venu dont la présence l'intriguait de plus en plus. Finalement, il lança d'un ton joué mais calculé. « Plus sérieusement, dis-moi, ta majesté, t'es un cadeau en chimie à ce qui paraît ?» Victor hocha la tête, un peu surpris par la question directe. « Oui, on peut dire ça. J'ai étudié la chimie organique cohémitée. » La lueur d'intérêt dans les yeux de Yacine s'intensifia. « Alors t'en es peut-être capable, toi, de fabriquer de la méthamphétamine ?» Un éclat de malice passa dans le regard de Victor, une sensation de défi s'emparant de lui. Ce monde à la limite du réel, où la légalité était une option, l'attirait plus qu'il ne l'aurait admis. Camus, amusé, regarda Victor d'un air complice, encourageant une réponse, mais Victor, un peu décontenancé, éclata de rire avant de répondre d'un ton faussement détaché. « Eh bien, si tu me trouves un bon petit laboratoire clandestin et les composants chimiques qui vont bien, ça ne devrait pas me poser trop de problèmes, en théorie. » Puis, d'un air un peu rêveur, il ajouta « En deuxième année, j'avais même réussi à produire du maxiton, un petit stimulant, pour booster les performances de certains étudiants à la ramasse. Rien de méchant, bien sûr, mais totalement illégal. » Le jeune Marocain le fixa un instant, bouche bée, avant d'éclater d'un rire franc teinté d'admiration. « Toi, mon gars, t'es un grand » lança-t-il, lui collant une étape énergique sur l'épaule. « Camille, sérieux, chapeau, t'as dégoté le mec parfait, un mix entre le prince William et Pablo Escobar. » Victor, d'abord un peu gêné par cette comparaison inattendue, sentit une vague de satisfaction l'envahir. Le regard admiratif de Yacine et Camille lui donnait un étrange sentiment de puissance et de charisme, comme s'il avait franchi un seuil invisible. Un frisson nouveau le parcourut, mêlant excitation et trouble. Pour la première fois, il entrevit ce que Camille et Yacine semblaient vivre depuis toujours. L'ivresse grisante d'un monde sans limite ni loi, où seul comptait le courage et l'ingéniosité. « Allez, à notre prince chimiste !» lança Yacine, levant son verre de grenadine dans un sourire éclatant, vite suivi par Camille et plusieurs autres convives attirés par l'agitation. La conversation se noya bientôt dans un concert de rires et de voix éparpillées. Victor, aspiré par cette atmosphère énigmatique et envoûtante, sentait qu'il franchissait une ligne invisible, prêt à s'abandonner aux secrets nocturnes des deux fées et à leur magie.